Bonne performance des sportifs coréennes au championnat asiatique d'haltérophilie 2016, tenu du 23 au 30 avril à Tashkent, Ouzbékistan. Kim Gukyan s'est classée première à l'épaulée jetée et deuxième à l'arraché de la catégorie de plus de 75 kg. Elle s'est classée première dans le classement général et a décroché deux médailles d'or et une d'argent. Par ailleurs, Jiang Chunhua s'est classée première à l'épaulée jetée de la catégorie de 48 kg. Au total, elle s'est classée deuxième et a gagné une médaille d'or et une d'argent.